Lundi le 19 septembre, il est 12h30, voici vos informations à CKRL. D'abord, la conseillère municipale Anne Guérette a officialisé sa candidature ce matin pour la direction de son parti Démocratie Québec. Elle a donc remis au directeur des élections son bulletin de candidature, affirmant avoir recueilli plus du double des signatures requises. Seule candidate déclarée pour le moment, Anne Guérette affirme que la saine gestion des finances publiques, la mobilité et les services à la population sont au cœur de sa campagne et de son action politique. Elle promet aussi un changement de ton et plus de respect à l'Hôtel de Ville de Québec. Honnêtement, quand je rencontre les gens sur le trottoir dans mon quartier, beaucoup, le mot courage revient énormément. Les gens me disent « Vous êtes courageuse. » C'est pas facile. Vous le savez que c'est pas facile. On est devant un pouvoir très fort, très autoritaire à l'heure actuelle à la Ville de Québec. Donc, se lever, oser donner son opinion, oser proposer des façons de faire différentes, oui, ça prend du courage. C'était Anne Guérette, conseillère dans le district Capot-Diamant et dont le parti connaîtra, il faut le mentionner, des moments décisifs ces prochaines semaines. Anne Guérette qui pourrait être élue par acclamation si personne d'autre ne se montre intéressé dans la course à la direction de Démocratie Québec. Également dans l'actualité régionale, eh bien, le conducteur responsable de la mort de deux jeunes de 19 ans l'an dernier à Scott a plaidé coupable ce matin à 14 des 18 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Pedro Antonio Ovalle et Leon a notamment admis sa culpabilité pour les chefs de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse. C'est un travailleur saisonnier originaire du Guatemala et son procès reprenait aujourd'hui au palais de justice de Saint-Georges-de-Beauce. Enfin, scène nationale et internationale, eh bien Justin Trudeau est de passage au siège des Nations Unies à New York pour participer à une table ronde sur les réfugiés et les migrants. Le premier ministre du Canada qui a vanté l'accueil de réfugiés à grande échelle qui a été pratiqué par son gouvernement. Il a d'ailleurs promis de poursuivre dans cette direction. Notons que depuis décembre dernier, c'est plus de 31 000 Syriens qui ont trouvé refuge au Canada.